Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce grand rendez-vous de l'information sur France 3. Voici les titres qui seront développés ce soir. Retour en Haute-Vienne avec une polémique. Elle concerne la possible venue d'un groupe de métal français prénommé Peste Noire. Créée en 2000 à Avignon, la formation... Peste Noire, appelée aussi KPN, Commando Peste Noire, un groupe qui évolue dans la mouvance black metal, mais aussi du rap...